Scène 7. La maison d'Ubu. Giron, Pile, Cotis, Père Ubu, Mère Ubu, conjurés et soldats, Capitaine Bordure. Ah, mes bons amis. Il est grand temps d'arrêter le plan de la conspiration. Que chacun donne son avis. Je vais d'abord donner le mien, si vous le permettez. Parlez, Père Ubu. Eh bien, mes amis, je suis d'avis d'empoisonner simplement le roi en lui fourrant de l'arsenic dans son déjeuner. Quand il voudra le brouter, il tombera mort et ainsi je serai roi. Fi, le sagouin. Ben quoi? Ça ne vous plaît pas? Hein? Ben alors que Bordure donne son avis. Moi, je suis d'avis de lui ficher un grand coup d'épée qui le fendra de la tête à la ceinture. Oui, voilà qui est noble et vaillant. Mais s'il vous donne des coups de pied, je me rappelle maintenant qu'il a pour les revues des souliers de fer qui font très mal. Moi, si je savais, je filerais vous dénoncer pour me tirer de cette sale affaire. Hein. Et je pense qu'il me donnerait aussi de la monnaie. Oh, le traître, le lâche, le vilain et plat ladre. Conspuez le Père Ubu. Ah, monsieur, mais tenez-vous tranquille. Si vous ne voulez visiter mes poches... Enfin, je consens à m'exposer pour vous. De la sorte, Bordure, tu te charges de pourfendre le roi. Ne faudrait-il pas mieux nous jeter tous à la fois sur lui en braillant et gueulant? Nous aurions chance ainsi d'entraîner les troupes? Alors voilà. Je tâcherai de lui marcher sur les pieds. Il rejoint un bras. Alors, je lui dirai merde et un signal. Vous vous jetterez sur lui.